L'erreur. L'erreur en arabe, el-khata, peut avoir deux sens. Premièrement, le fait de vouloir suivre la vérité, mais de suivre le faux par erreur. Cette forme d'erreur n'est autre que la mauvaise interprétation que nous venons de détailler au chapitre précédent, et nous y avons vu que celui qui contredit l'unicité d'Allah ou la prophétie de Mohammed par mauvaise interprétation n'est pas excusé, et que cela n'empêche pas son expulsion de l'islam. Si un homme disait « J'ai observé l'univers », j'ai lu les trois livres saints et j'en déduis qu'il y a trois vraies religions et trois vrais dieux. Aucun musulman ne peut douter qu'une telle personne n'est pas musulmane et que son erreur ne l'empêche pas de sortir de l'islam. De même, celui qui par erreur pense qu'on peut invoquer un autre qu'Allah ou légiférer d'autres lois que les siennes. Deuxièmement, c'est le fait de vouloir faire quelque chose de bien précis, mais de faire autre chose par erreur. C'est cette forme d'erreur qui empêche le musulman de sortir de l'islam. Cette deuxième forme d'erreur, c'est elle qui consiste en un empêchement du takfir lorsque le musulman se trompe de sa langue ou de son geste sans faire exprès. Et pour distinguer entre l'erreur et l'acte délibéré, il faut qu'il y ait des indices dans le contexte de l'acte qui nous montre que la personne n'a pas voulu dire ou faire ce qu'elle a dit ou fait. Et cette forme d'erreur empêche le musulman de sortir de l'islam, que cela soit une parole ou un acte invalidant le fondement de l'islam ou une branche de l'islam. Exemple, jeter des feuilles à la poubelle sans remarquer que dans le tas de feuilles se trouvent les pages du Coran. Le lapsus, qui consiste à prononcer un mot alors qu'on voulait en prononcer un autre, comme dans le hadith où l'homme qui venait de retrouver sa monture dans le désert s'écria par joie intense. « Oh Allah, je suis ton maître et tu es mon serviteur. » Alors qu'il voulait dire le contraire, mais sa langue a glissé. Se tromper en récitant le Coran, comme lorsqu'on récite par erreur, « Innama yarshallahu min ibadihi » Certes, Allah a peur de ses serviteurs. Au lieu de dire « Innama yarshallahu min ibadihi » Certes, ceux qui ont peur d'Allah parmi ses serviteurs. On voit qu'en simple fonction de la terminaison du mot « Allah », le sens de la phrase change totalement. Lorsqu'on met la terminaison « Allah », c'est un sens correct. Et lorsqu'on met la terminaison « Allahu », cela signifie que c'est Allah qui a peur. Et ceci est une mécréance qui invalide l'islam si elle est prononcée exprès et en connaissance de cause. Pourtant, beaucoup de gens commettent cette faute sans même s'en rendre compte de sa conséquence. Soit car ils ne connaissent pas les règles de grammaire de l'arabe, soit tout simplement car ils n'ont pas fait attention. Les preuves de cet empêchement d'apostasie sont le verset « Oh notre Seigneur, ne nous punis pas s'il nous arrive d'oublier ou de nous tromper » et le verset « Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmé pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. » Ainsi que le hadith rapporté par Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah est plus heureux lorsqu'un de ses serviteurs se repent que n'est heureux celui qui retrouve sa monture dans le désert, alors qu'elle s'est enfuie et qu'il attendait la mort. Il dit alors « Oh Allah, je suis ton maître et tu es mon serviteur. » Il s'est trompé à cause de sa grande joie, c'est-à-dire il voulait dire le contraire, mais sa langue s'est emmêlée. Ibn Taymiyyah dit à ce sujet « Il arrive que la langue parle trop vite et aille à l'opposé de l'intention du locuteur, comme lorsque celui qui invoque Allah par joie intense dit « Oh Allah, tu es mon serviteur ». Ibn Khayyim dit « Et Hamza avait dit au prophète qu'Allah le bénisse et le salue, vous n'êtes que des adorateurs de mon père. » Mais il était en état d'ivresse, alors il n'est pas devenu mécréant pour cela. Tout comme le compagnon qui récita dit « Oh vous les mécréants, j'adore ce que vous adorez et nous adorons ce que vous adorez. » Et ceci fut avant l'interdiction de l'alcool et ne fut pas considéré mécréant pour cela, car il n'avait pas l'intention de dire ce qu'il a prononcé de sa langue. Et il le dit sans vouloir sa signification. Alors prends garde à ne pas négliger l'objectif du locuteur, son intention et l'usage qu'il a de son langage, sans quoi tu seras injuste tant envers lui qu'envers la sharia. Et tu l'accuseras de ce qu'il est innocent. Le fait de croire qu'un mot ou un geste signifie quelque chose, alors qu'en fait, il signifie autre chose. Le fait de juger les hommes responsables de leur acte en fonction de leurs propos dépend de l'usage et des conventions de langage qu'il existe entre eux. Ainsi, toute personne qui prononcera une parole ne sera jugée qu'en fonction de la compréhension qu'il a quant à la signification des mots qu'il a utilisés. Si les mots qu'il a prononcés signifient qu'un autre qu'Allah est égal à Allah et qu'il comprend le sens de ces mots, il sera jugé mécréant. Mais s'il ne connaissait pas le sens de ces mots et qu'il les a prononcés par erreur, il ne sera pas licite de le juger mécréant ou de le bannir de l'islam, tant qu'on ne lui aura pas expliqué le sens de ces mots. Ibn Taymiyyah dit, il n'appartient à personne de bannir de l'islam un musulman, même s'il se trompe ou commet une erreur, tant que la preuve ne lui est pas établie et qu'il ait compris l'objectif. Et lorsque l'islam d'une personne est confirmé avec certitude, cela ne peut être invalide sur la base d'un doute. L'islam de cette personne ne cessera au contraire qu'après que la preuve lui ait été apportée et qu'il n'ait plus de confusion. Lorsque le musulman veut désigner Allah ou son messager par une signification correcte, mais qu'il n'était pas informé du vrai sens des termes qu'il utilise, et qu'il décrit Allah et son messager par des termes qu'il pense vouloir signifier ce sens correct, mais qu'en réalité ces termes veulent dire autre chose, il ne devient pas mécréant. Et celui qui juge mécréant une telle personne mérite plus que lui d'être mécréante, car il contredit le Coran, la Sunna et l'unanimité des musulmans. Ibn Qayyim a dit, les mots ont été mis en place afin d'exprimer ce qu'il y a dans l'âme. Allah a certes mis en place des mots entre les gens afin qu'ils puissent expliquer et indiquer ce qu'il y a dans leurs âmes. Lorsque l'un d'entre eux veut quelque chose de la part d'un autre, il pourra lui faire connaître sa volonté à travers ses mots. Et Allah a fait découler de ses intentions et de ses volontés toute une série de règles par le biais des mots. Et il n'a pas fait découler ces règles en fonction de ce qui se trouve dans les âmes uniquement, sans que cela ne s'exprime par un acte ou une parole, ni en fonction de simples mots. Lorsqu'on sait que celui qui les a prononcés ne voulait pas leur signification réelle ou ne la connaissait pas. Au contraire, il a pardonné à cette communauté ce qui se passe en leur âme sans le mettre en pratique, ni sans le prononcer. Et il a pardonné ce qu'il prononce par erreur ou par oubli, ou par contrainte, ou sans le savoir, lorsque l'âme ne visait pas le sens de ce qu'elle a prononcé, ou ce qui n'est pas intentionnel. C'est lorsque sont réunies l'intention et la signification de la parole ou de l'acte que le statut en découle. Et ceci est un principe légal qui est l'effet de la justice d'Allah et sa sagesse et sa miséricorde. Il dit aussi, celui qui prononce une parole de mécréance sans savoir ce qu'elle veut dire, il ne devient pas mécréant. Les mots, donc il dit, et les mots, quant à ce que visent par eux les locuteurs, et à leur intention et à ce qu'ils veulent dire par eux, se divisent en trois catégories de mots. La première est qu'il apparaisse la concordance entre l'objectif du locuteur et le mot qu'il a utilisé. Or, l'apparence peut avoir plusieurs degrés, dont le premier atteint la certitude catégorique de ce que veut dire le locuteur, en fonction de la parole en elle-même et du contexte de la situation, ainsi que l'état du locuteur, et d'autres indices encore. Par exemple, lorsqu'une personne dotée de sa raison, ayant connaissance de la langue du prophète, et qui l'entend dire « Vous allez certes voir votre Seigneur de vos propres yeux, comme vous voyez la lune la nuit lorsqu'il n'y a pas de nuages, et comme vous voyez le soleil en plein jour, lorsqu'il n'y a pas de nuages, et vous n'aurez aucun mal à le voir, tout comme vous n'avez aucun mal à les voir. Eh bien, il n'y a pas l'ombre d'une hésitation ni d'un doute quant à ce qu'a voulu dire le locuteur, et qu'il s'agit bien d'une vision oculaire, réelle, et qu'il n'est absolument pas possible de trouver une expression plus claire et plus évidente que celle-ci. Même si on proposait à la plus éloquente personne d'exprimer plus clairement le sens de cette phrase d'une expression ne pouvant signifier autre chose, il n'en serait pas capable. Et en général, la parole d'Allah et de son messager sont de ce genre. La deuxième, lorsqu'il apparaît que le locuteur ne voulait pas dire ce que signifie le mot qu'il a utilisé, et cette apparence peut atteindre le degré de la certitude de telle manière que l'auditeur n'a pas le moindre doute que le locuteur ne voulait pas dire le sens du mot utilisé. Et cette catégorie est de deux formes. Le premier, qu'il ne vise ni l'implication de ce mot ni autre chose. Le deuxième, qu'il voulait par ce mot dire exactement le contraire de ce qu'il signifie. Le premier est comme celui qui parle sous la contrainte, ou celui qui dort, ou le fou, ou celui qui parle sous l'emprise d'une grande colère, ou sous l'ivresse. Le deuxième, lui, est plutôt comme celui qui joue avec les mots, qui ruse ou qui commet une erreur d'interprétation des mots qu'il utilise. Un troisième, lorsque le sens du mot est apparent, mais qu'il existe une probabilité que le locuteur visait le sens apparent, ou alors qu'il visait autre chose, et qu'il n'existe rien qui indique l'une des deux options. Or, le mot indique la signification pour laquelle on l'a mis en place, et ce locuteur l'a prononcé librement et par choix. Quand est-ce qu'on donne à la parole son sens apparent? Ceci sont les trois catégories de mots par rapport à ce que vise le locuteur comme signification. Ainsi, nous disons que lorsqu'il apparaît que le locuteur visait bien le sens de sa parole et ne visait pas le contraire, il sera obligatoire de comprendre sa parole en l'apparence. Et les preuves mentionnées par Schaeffery, Kalalagri, prouvent tout cela. Et ceci est une vérité sur laquelle aucun savant ne diverge. Leur divergence porte sur autre chose. Et il dit, et ce que nous avons dit concernant la prise en compte de l'intention et du but recherché à travers les mots, est que les mots n'entraînent aucun jugement tant que le locuteur ne les a pas volontairement prononcés en visant par eux leur signification. Tout comme il faut également qu'il ait voulu les prononcer. Il y a donc deux volontés qui doivent être présentes. Premièrement, la volonté de prononcer le mot par choix, et deuxièmement, la volonté de la signification de ce mot. D'ailleurs, le fait de vouloir la signification du mot est plus important que le fait de vouloir le mot en soi, vu que c'est la signification du mot qui est le but recherché par le locuteur, alors que le mot en soi n'est qu'un moyen de l'exprimer. Et ceci est l'avis des imams de la fatwa et des savants de l'islam. Et cette nuance est extrêmement importante, car aujourd'hui la plupart des musulmans pensent que lorsqu'un homme commet un acte ou tient des propos sans savoir ce que cet acte ou cette parole représente et signifie réellement, il n'est pas excusé et devient mécréant. Et ils pensent que celui qui excuse ce genre de personne est un égaré, car il adhère à la thèse de l'excuse de l'ignorance. Alors que cette question n'a rien à voir avec la thèse de l'excuse de l'ignorance. Cela concerne l'ignorance de la réalité et de la situation. Parmi les questions en rapport avec ce problème, celui qui signe un contrat contenant des clauses impies, si le signataire ignore que cette signature représente son acceptation de toutes les clauses, mais qu'il pense que cette signature signifie qu'il déclare avoir lu le contrat et avoir pris connaissance de ces clauses, cette personne ne devient pas mécréante pour cette signature, et il sera même interdit de l'accuser d'avoir accepté la mécréance contenue dans ce contrat, vu qu'à la base, il ne pense même pas que son geste signifiait l'acceptation. De même, si ce signataire pense que la signature est un geste à double sens, et que ce n'est pas une acceptation claire des clauses du contrat, et qu'en vertu de cette confusion, il s'est permis de signer en visant par là le geste n'indiquant pas l'acceptation. Une telle personne n'est pas mécréante non plus, car il pense avoir utilisé un geste à double sens. Celui qui devient mécréant, c'est celui qui signe en étant conscient que ce geste ne signifie rien d'autre que l'acceptation, car il aura alors obéi au mécréant dans la mécréance, et ceci invalide l'islam. Même s'il l'a fait pour préserver ses biens, tout en détestant cela dans son cœur, ça ne change rien. Et cette règle est valable pour absolument toute parole et tout acte que commet un musulman par erreur de compréhension de la signification de la parole ou du geste qu'il commet. Et celui qui prétend qu'il y a une exception, il devra apporter une preuve. Un autre thème est celui du vote blanc. Certains frères ont jugé mécréant certains savants qui sont d'avis que le vote blanc n'exprime pas l'acceptation de la démocratie, ni ne consiste à donner un égal à Allah. Et la raison pour laquelle ces frères ont jugé ces savants mécréants est qu'ils prétendent qu'en donnant cette fatwa, ces savants ont légalisé le shirk. Cela prouve que ces frères sont des ignares qui ne comprennent rien à la question de l'erreur. Ceci car en imaginant que ces savants ont tort lorsqu'ils estiment que le vote blanc n'exprime pas l'acceptation de la démocratie. Ceci revient exactement au même cas que celui qui prononce un mot en pensant qu'il signifie autre chose, comme l'ont noté Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim et le reste des savants. De même, certaines formes de sorcellerie échappent aux gens, comme le sarf et le hatf. Il arrive que des gens ignorent que le sorcier recourt à la magie et aux démons pour préparer ses élixirs. C'est pourquoi Mohammed ibn Abd al-Wahhab dit « Certes, celui à qui la preuve n'est pas parvenue est celui qui vient de se convertir à l'islam ou qui vit dans un désert lointain, ou alors lorsqu'il s'agit d'une question subtile, comme le sarf et le hatf. Une telle personne ne sort pas de l'islam tant que l'explication ne lui est pas parvenue. » De même, certains savants ont divergé sur le statut de celui qui porte un crucifix à son cou. Et que cela prouve forcément sa reconnaissance du culte de la croix et de la religion des chrétiens? Est-ce que cela prouve forcément son adhésion au christianisme? Mohammed ibn Mufleh dit, et dans l'intisar, celui qui se vêtit avec un vêtement de mécréant, comme en portant un zinar ou en accrochant un crucifix sur sa poitrine, que ceci est illicite, mais que son auteur n'est pas banni de l'islam, jusqu'à ce qu'il dise, et dans Al-Fusul, il atteste qu'il a vénéré le crucifix en l'embrassant, par exemple, et qu'il lui a offert un culte tel les mécréants, et qu'il se rend fréquemment dans les lieux de culte. Il est probablement un apostat car ce genre d'actes se font avec conviction. Il est aussi possible qu'il le fasse sans conviction, en faisant ça par gentillesse ou par ruse pour obtenir quelque chose de ce bas monde. Mais c'est la première thèse qui est la plus juste. Car celui qui se moque avec de la mécréance devient mécréant, même si en l'apparence il n'y a pas d'intention. Le plus apparent est que celui qui commet des gestes propres à la mécréance devient mécréant, tant qu'il n'y a rien en l'apparence qui indique que ce n'est pas intentionnel. Au contraire, l'apparent montre que c'est intentionnel. On voit donc ici que certains savants divergent sur la question de savoir si oui ou non porter une croix prouve clairement qu'on s'affilie au christianisme, et que certains savants ne jugent pas mécréant celui qui attache un crucifix à son cou. Mais cette divergence repose sur l'interprétation de l'acte, et non sur la question de savoir s'il est licite d'honorer les idoles ou non. Ainsi, l'auteur d'une parole ou d'un geste qu'il pensait vouloir signifier autre chose que ce qu'il signifie réellement est excusé et ne devient pas mécréant. Celui qui devient mécréant est celui qui dit ou commet ce qu'il comprend, même s'il ignore que cela cause son apostasie. Celui qui commet l'acte délibérément sans avoir l'intention de sortir de l'islam. S'il fait exprès de faire cet acte d'apostasie en connaissant sa signification, mais ne sait pas que cela cause son apostasie, il n'est absolument pas excusé et devient réellement apostat, même s'il ignorait cela. Par exemple, celui qui sacrifie un animal en prononçant le nom d'un autre qu'Allah, et qu'il sait que ce geste sert à obtenir la bénédiction et l'aide du nom qu'il a prononcé. C'est un mouchrik, un idolâtre mécréant, qui sort de l'islam, même s'il ne voulait pas sortir de l'islam en commettant cet acte. Ou alors celui qui se moque d'Allah ou du prophète, en les décrivant de manière rabaissante, tout en sachant ce que signifient les mots utilisés. Il devient mécréant même s'il ignore que cela le fait sortir de l'islam. Et Allah a dit, et si tu leur demandais, ils diraient sûrement, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dit, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous êtes certes devenu mécréant après avoir eu la foi. Ibn Taymiyyah dit, au sujet de ce verset, cela prouve qu'il ne pensait pas avoir commis une mécréance, mais au contraire, il pensait que ce n'était pas une mécréance. Cela nous montre que la moquerie envers Allah, ses versets et son messager, est une mécréance qui fait de son auteur un mécréant après la foi. Cela prouve qu'il avait une foi faible qui les a fait commettre ce péché. Et il savait que c'était un péché, mais ne pensait pas que c'était une mécréance. Malgré cela, ils devinrent mécréants pour avoir fait cela. Et ils n'ont jamais cru qu'il leur était permis de le faire. Et il dit, c'est pour ça qu'Allah a dit, ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Et il n'a pas dit, vous mentez lorsque vous prétendez que vous ne faisiez que jouer et bavarder. Allah n'a pas démenti ce prétexte-ci, bien qu'il démentit tous les autres prétextes qu'il prétendait qu'il les aurait innocentés de la mécréance s'ils avaient été sincères. Mais Allah a au contraire expliqué qu'ils ont mécru après avoir eu la foi pour cette blague et cet amusement. Ce que veut dire Ibn Taymiyyah ici, c'est que ces gens qui se sont moqués du messager d'Allah et des compagnons se sont justifiés en affirmant qu'ils disaient ça pour blaguer et qu'ils ne pensaient pas vraiment ce qu'ils disaient dans leur cœur et qu'Allah n'a pas contredit ce fait, sauf que cela ne les empêcha pas de sortir de l'islam. Car s'ils avaient une once de foi dans le cœur, ils n'auraient jamais osé tenir des propos de la sorte. Et il dit, celui qui dit ou fait ce qui est une mécréance devient mécréant par cela, même s'il n'avait pas l'intention d'être un mécréant, vu que personne n'a l'intention de la mécréance, à moins qu'Allah le veuille. Et Mohammed ibn Abdel Wahhab dit, lorsqu'il prononce une parole de mécréance sans savoir ce qu'elle signifie, et qu'il est clair et évident qu'il a prononcé une parole dont il ne connaît pas le sens. Par contre, si c'est juste qu'il ignore qu'elle le rend mécréant, tout en connaissant son sens, alors il suffira de lire le verset « Ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir eu la foi. » et ils se justifièrent auprès du prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, pensant qu'ils n'avaient pas mécru. Sulayman ibn Abdullah el-Shir dit, ce verset est une preuve que lorsqu'un homme commet une mécréance sans savoir que c'est une mécréance, il n'est pas excusé pour ça, mais il devient bien mécréant. Les points à retenir. L'erreur est un empêchement d'apostasie qui ne concerne que le musulman monothéiste. L'erreur est un empêchement d'apostasie en ce qui concerne le fait de commettre l'acte ou de prononcer la parole par erreur. Celui qui dit une parole qu'il ne comprend pas ou qu'il pense signifier autre chose que ce qu'elle signifie réellement, il n'est pas jugé pour ce qu'il a dit. De même pour le geste. Celui qui prononce une parole ou commet un acte exprès et conscient de sa signification, il sera jugé pour cela, même s'il ne voulait pas devenir mécréant par là.